Fabio, une dame en mantille. La dame, passant près de lui. « Seigneur cavalier, donnez-moi le bras, je vous prie, de peur qu'on ne nous observe, et marchons naturellement, vous m'avez écrit. » Fabio. « Et je n'ai reçu de vous aucune réponse. » La dame. « Tiendriez-vous plus à mon écriture qu'à mes paroles ?» Fabio. « Votre bouche ou votre main m'en voudrait, si j'osais choisir. » La dame. « Que l'une soit le garant de l'autre, vous l'êtes m'ont touché, et je consens à l'entrevue que vous me demandez. Vous savez pourquoi je ne puis vous recevoir chez moi ?» Fabio. « On me l'a dit. » La dame. « Je suis très entourée, très gênée dans toutes mes démarches. Ce soir à 5 heures de la nuit, attendez-moi au rond-point de la Villa Réelle. J'y viendrai sous un déguisement, et nous pourrons avoir quelques instants d'entretien. » Fabio. « J'y serai. » La dame. « Maintenant, quittez mon bras. Et ne me suivez pas, je me rends au théâtre. Ne paraissez pas dans la salle ce soir. Soyez discret et confiant. » Elle sort. Fabio, seul. « C'était bien elle. En me quittant, elle s'est toute révélée dans un mouvement comme la Vénus de Virgile. J'aurais à peine reconnu son visage, et pourtant l'éclair de ses yeux me traversait le cœur. De même qu'au théâtre, lorsque son regard vient croiser le mien dans la foule. » Sa voix ne perd pas de son charme en prononçant de simples paroles. Et cependant, je croyais jusqu'ici qu'elle ne devait avoir que le chant, comme les oiseaux. Mais ce qu'elle m'a dit vaut tous les vers de métastase. Et ce timbre si pur et cet accent si doux n'empruntent rien pour séduire aux mélodies de Piazzello ou de Cimarosa. Ah, toutes ces héroïnes que j'adorais en elle, Sophonisbe, Alcime, Herminie, et même cette blonde Molinara, qu'elle joue à ravir avec des habits moins splendides. Je les voyais toutes enfermées à la fois sous cette mantille coquette, sous cette coiffe de satin. Encore Mazzetto.